De Canal B Radio Strasbourg pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne 94 MHz. Ça, c'est pour le direct à 21h30 et des bananes. Et donc, on attaque ce nouveau programme qui est également diffusé à partir de son blog asile35.blogspot.fr avec une formation originaire du pays des Kiwis, les Néo-Zélandais Orchestra of Spheres, originaire de Wellington, très exactement la ville rock'n'roll, cet autre pays du free rock. Orchestra of Spheres qui ont démarré à la fin des années 90 dans des jams psyché acides. C'est leur troisième album à ce jour qui est sorti au printemps de cette année, au mois de mai très exactement. Pour ce quatuor guitare, batterie, synthé, voix, on écoute un extrait de ce nouvel opus de Orchestra of Spheres, le morceau Brothers and Sisters of the Black Lagoon, donc les créatures du lagon noir. On écoute le titre assez enlevé, assez word sur le retour par les Orchestra of Spheres. Thank you. Schon seit 10.000 Jahren durch dieser blöden Wüste, immer das gleiche, Sonne, Salz, blauer Himmel. Und nachts genauso Salz, nur dass der Himmel schwarz ist mit ein paar Flecken, Sterne und der Mond. Manchmal sehe ich Geister am Horizont, Pferde mit oder ohne Reiter, Schattenbäume, Palmen, schwummrige Farben, die Wasser zeichnen. Manchmal sehe ich Geister am Horizont. On a démarré ce nouveau programme d'aventure asilaire avec Orchestra of Sphere et un titre qui sonnait entre les japonais Do-Yo et les Masters Musicians of Bukkake, pour faire simple. Le morceau Angklung Song, qui était le titre peut-être le plus proche, je sais pas, d'un certain rock mauritanien aussi, pour cet album Brothers and Sisters of the Black Lagoon, qui est sorti juste avant l'été sur étiquette Fire Records, pour ces néo-zélandais, donc Babarossa, Moss Locos, Erika Grant et Andy Wright. Alors pas grand chose à vous en dire, puisque je ne les connais que de ce disque, j'ai pas écouté les deux précédents. En tout cas, c'est un album plutôt réussi. Alors il y a quelques expérimentations, des petites pièces assez courtes, des miniatures assez intéressantes aussi. Dans l'ensemble, un disque de très belle facture, le disque d'Orchestra of Sphere. Et on a enchaîné avec un nouveau duo nantais qui répond au nom de Nina Harker, un jeune groupe de synthwave qui sont des Frenchies, qui chantaient dans la langue de Goethe sur le premier extrait, celui qu'on a entendu au milieu, qui est un bout de leur EP publié par la nouvelle étiquette de Metz, le syndicat des Scorpions, voilà, qui est sorti 45 tours, 4 titres publiés à la fin de l'été sur ce nouveau label messin. Et il y a d'ailleurs aussi des titres chantés dans d'autres langues. Et cette formation Nina Harker jouera prochainement à Rennes le samedi 8 octobre dans le cadre du festival de notre camarade Jean-Louis Musique Alambic aux Agités du Bocal, au 8 bis rue du Manoir de Servigny, de l'Orient, en compagnie d'ailleurs de 178 degrés, de la cave, Nursery, Chocolabilly et aussi des DJ. Ce sera la seconde soirée du festival des musiques bancales et de traverse, cinquième en date, qui démarrera bien évidemment la veille au Marquis de Sade avec La Honte, la formation AA, qui sont des Cherbourgeois, Clermontois, Poitevins. Et il y aura aussi les Birds de Leeds, qu'on n'a pas revu depuis leur passage à la bascule. Ça doit remonter au début des années 2010, donc pour le festival Musique Alambic le 7 octobre et le 8, avec cette formation Nina Harker, qu'on retrouvait d'ailleurs sur le titre qui enchaînait, qui est un extrait de cette compilation Das Modell Nacht, un collectif de 68 artistes au total, qui reprenait sur ce florilège de chansons surannée et de noise déviante le fameux tube indestructible de 1978 de Kraftwerk, écrit par Ralf Hütter et Karl Bartos, qui a été repris par quantité de musiciens et de groupes tels que Rammstein, Snakefinger bien évidemment, ou encore le Balanescu Quartet. Et donc sur cette compilation Das Modell Nacht, 68 artistes s'y sont collés. Alors ça va de Ben Barkett à Zéro Cerveau, alors que des formations avec des noms assez incroyables, notamment le banjo et la batterie, Marcel Chagrin et Zizi Transistor, 40 degrés Nonchalance, j'en passe, et d'autres, par exemple Gérard Jugnot, qui est un très très bon nom de projet. Voilà donc pour la formation, sur laquelle on retrouve aussi des gens un peu plus connus tels que Greg Aldur, Close Legal aussi est de la partie, La Honte est sur cette compilation qui est sortie en vinyle avec une très très belle sérigraphie, et c'est une compilation que nous devons au collectif de Genève autour de la Cave 12, la fameuse salle de concert de musique mutante. Ses camarades de Kakakid Records et de Mille Balles qui s'associent pour produire ce très très bel objet sur lequel on retrouve donc un titre aussi de Nina Harker. Et je propose d'enchaîner peut-être avec deux autres extraits, et on démarre avec Osso El Roto, le furieux bordello chilien, qui lui aussi est sur cette compilation et reprend donc la musique de Kraftwerk et The Model. On écoute ça tout de suite. The monolith is looking good. She's picking your game and you can hear them say. She's looking good for Bloody, we will play. Consume their produce now and then. For every camera, she gives the best she can. I saw her on the cover of the magazine. Now she's been suicidal, I want to meet her again. Yo soy la muerte de los trenes, magazines y estandartes, y el correo. Yo soy la muerte de la vida, la vigilia, las arañas y la envidia. Yo soy la muerte de la luna, el telescopio, la mentira, el argumento. soy la muerte, soy la muerte. Soy la muerte y tengo miedo. La familia de mi enemigo. À l'instant, l'asile, plus sur une séquence pour le moins psychédélique qui sentait bon le patchouli qui a démarré avec Osso El Roto ainsi que Correcteur d'acidité qui reprenait Das Modell publié par les Genevois de la Cave 12, 1000 balles et Kaka Kids Records. C'est sorti à l'été dernier en version sérigraphiée, ce 33 tours que vous pouvez vous procurer pour retrouver les 68 titres qui le composent, donc des morceaux particulièrement réussis. Alors on pourrait se dire que c'est qu'une compilation consacrée à The Model de Kraftwerk serait pour le moins fastidieuse. 60 titres cover du même morceau, mais pas du tout vu la qualité et le psychédélisme des gens qui s'y sont collés. Donc pas mal de gens connus tels que Jean-Louis Costes par exemple, qui s'est vendu d'un titre en français assez bon, et puis pas mal d'autres tant instrumentaux que chantés. Voilà donc pour cette compilation que vous pouvez d'ailleurs écouter sur le 3615 dasmodel.bandcamp.com. Et on a enchaîné évidemment avec les Meridian Brothers et une réédition de l'un de leurs tout premiers albums qui était particulièrement rare, je dois dire, puisque quasiment personne de ce côté-ci de l'Atlantique ne l'avait entendu. Il s'intitulait Alvenimiento del Castillo et c'était sorti en 2006 en petite édition CD sur un label colombien. Et ça avait été non pas enregistré par Eblis Albares et toute sa tribu dans les faubourgs de Bogota, mais apparemment à l'époque au Danemark où il devait résider. Donc des pièces entre 2005 et 2006 qui présentent une facette assez différente de la musique des Meridian Brothers, sans doute un peu plus bancale encore, un peu plus acoustique, moins d'électronique et de son passé par différentes pédales et effets whammy. Donc pas mal d'instruments avant, une musique assez incroyable qui vient tout juste d'être rééditée par Discrepante, le label londonien. Alors vous allez vous dire que je m'acharne sur cette étiquette. La semaine dernière c'était le disque de Ryan Saïd, mais c'est vrai qu'ils sont très très énervés les londoniens, tout autant dans les musiques de traverse extra-occidentales que des musiciens dada bien connus des services. Voilà, on va continuer avec une autre personnalité des musiques, cette fois-ci plutôt électronique ou post-électronique, on pourrait dire même cyberpunk, pour reprendre le fameux terme forgé par William Gibson. Il s'agit bien évidemment de Richard Pinas, qui est de retour avec pas moins de deux disques sur étiquette Cuneiforme, un label américain qui édite régulièrement sa musique, notamment pour ses rééditions de ses albums solo des années 70 ou de sa formation Eldon, et régulièrement aussi des disques beaucoup plus récents de concerts principalement, mais aussi de studio. Et donc pas moins de deux albums viennent tout juste de paraître, une collaboration aux côtés de Barry Cleveland, qui est un joueur de synthé électronique et aussi différentes multi-instrumentistes. Voilà, puis il y a deux autres musiciens aussi, basse et batterie, sur ce disque qui vient tout juste de sortir, qui est plutôt très bon. Alors j'hésitais entre les deux disques avec Richard Pinas pour ce soir. On passera peut-être cet autre disque qui s'intitule Mu en compagnie de Barry Cleveland, mais là je propose d'écouter les retrouvailles entre Richard Pinas et Tatsuya Yoshida, le fameux batteur ex-Ruiz, et Masami Akita alias Merzbo. Alors je vous disais les retrouvailles puisque ces trois musiciens ont joué assez souvent les uns à côté des autres, pas forcément les trois ensemble. Il y a eu beaucoup de duos entre Richard Pinas et Monsieur Yoshida, notamment chez Cuneiforme ou encore l'an dernier aux éditions bordelaises Bam Balam, et également des disques en compagnie de Merzbo, par exemple aux éditions Victo. Et là je propose donc d'écouter une pièce de Richard Pinas en compagnie de ses deux acolytes, un extrait du final, donc une pièce assez longue qu'on écourtera. On écoute un extrait de ce Process and Reality. Yeah. sounds for you. Come to me, Hendilu. I search the desert too. I can't love someone new. My love for you is true. Beloved Hendilu, beneath our sky of blue, please make my dreams come true. Oh, oh, oh, oh darling. L'obscure sur antenne du 94 MHz, une séquence tout en contraste qui a démarré avec le trio qui réunissait trois vétérans, Richard Pinas en compagnie de Tatsuya Yoshida qui se prenait pour François Auger, et le troisième lascar de cette affaire, c'était monsieur Mersbeau qui lui se prenait pour Patrick Gauthier. Donc ils essayaient de refaire la musique de Eldon de la grande époque sur ce disque Process Unreality, publié par Cuneiform ces jours-ci. Donc une musique plutôt pas mal, alors rien de très nouveau sous le soleil, mais bon, si vous ne connaissez pas la musique de ces trois animaux, je vous conseille ce disque. Si vous avez déjà beaucoup écouté la musique de Richard Pinas, peut-être vaut-il mieux passer son chemin. Rien de très très nouveau sous le soleil, mais bon, disque plutôt plaisant à écouter. L'autre disque qui s'intitule Mu, en compagnie de Barry Cleveland, et peut-être un tantinet plus réussi, un peu plus prog électronique d'ailleurs, par rapport à celui-ci qui doit être une session en concert. Peut-être une musique qui fonctionne pas vraiment sur disque, à voir en live. Et on a enchaîné avec un vieux disque Come With Me To The Casbah par Ganymian and His Oriental Music, une réédition vinylique du label Cacophonie, très belle division du label Les Finder Keepers, qui n'en sont pas à leur début dans les éditions de disques, assez surprenants, tout aussi dada que d'archives, particulièrement réussies, à l'image de ces sessions de 1959 du fameux Charles Chick Ganymian, arméno-américain virtuose du oud, qui était né du côté de New York dans les années 1920. Il était fils d'immigrés turcs qui avaient donc émigré aux États-Unis. Et puis il a commencé à jouer de l'oud et puis a joué avec pas mal d'autres musiciens. Et il s'est entiché d'une idée assez fantastique de réunir les rythmes et les musiques du Moyen-Orient avec les sons un peu plus occidentaux de l'époque. Il s'est adjoint rejoint les services de pas mal de gens, notamment des gens du jazz, autant Peter Hind à la basse que Billy Bauer à la guitare, également des clarinettistes, et puis pas mal de gens aussi de sa communauté, notamment Aram Davidian sur les percussions orientales, également un joueur de kanoun, Ahmed Yatman, et puis pas mal d'autres choses, pas du tout de doudouk arménien d'ailleurs pour ses fils et rejetons d'immigrés arméniens. En tout cas, une musique vraiment fantastique, un peu les débuts des musiques et des croisements ethno-pop qui feront les beaux jours des années 60 aux États-Unis et aussi en Europe, et donc l'une des toutes premières productions très très réussies pour des 45 tours, donc publiées par Atco Records, qui ont été réunies sous ce titre Come With Me To The Casbah, qui n'avait pas été réédité depuis pas mal de temps. Il y avait une édition CD, je crois, juste il y a quelques années, et donc Cacophonique, subdivision de Finder Keepers, vient tout juste de sortir ça, et on va en écouter d'ailleurs une seconde pièce tant qu'à faire, et là ce sera le titre, le temps de retrouver mes petits papiers de Ganimian Anis Oriental Music, le morceau Play Girl Play. petite plongée dans la sono mondiale à l'écoute de l'Asile le plus sûr avec, comme chaque semaine, un petit paquet de nouveautés dans tous les styles et un peu dans tous les univers. On a démarré avec Ganymian, un is Oriental Music et ce disque Come With Me to the Casbah, publié par Cacophonic, sorti cet été, cette réédition de pièces de 1959 de cet orchestre américano-arménien qui réunissait un peu tout ce qui se fait de meilleur dans le registre du syncrétisme entre Moyen-Orient et psychédélisme pop occidental. Et on a enchaîné avec les Dead Sea, là encore des Néo-Zélandais, la musique de Bruce Russell, Michael Morley alias Gate et Robbie Yeats, qui eux sont originaires de Dunedin, toujours dans le pays des Kiwis, qui ont démarré au milieu des années 80, donc c'est certainement le plus vieux groupe néo-zélandais en activité, qui pratique un free rock assez sauvage. Parfois ça sonne un petit peu métal, musique plutôt no wave, mais façon très très lo-fi, très très underground dans l'esprit. Ils ont sorti quantité de disques, notamment aux éditions Steel Breeze, le label de Philadelphie. Il y avait eu aussi une compilation de pièces entre 87 et 2005 qui était sortie chez Badabing, qui édite pas mal leur musique ces dernières années, à l'image de ce Trouble, disque qui est sorti au mois d'août en double vinyle, donc musique un peu déstructurée, sorte de free rock déstructuré assez massif pour les Dead Sea. Et on a terminé avec la musique de Ketev, qui est assez actif puisqu'on l'avait quitté il y a de ça quelques mois, avec un disque aux éditions londoniennes Where to Now, le Traces of Weakness, et qui récidive donc à la rentrée, à cette rentrée 2016, avec un disque pour le collectif berlinois Portal ou Portals Editions. L'album s'intitule I Know No Weekend, donc très très actif également, parfois sous son propre alias, sous son propre nom, hier Elazar Glotman. Il joue aussi de la contrebasse traitée par l'électronique de manière assez fantastique. Il avait sorti aussi un disque sous son nom qui était vraiment très très bon, sous le titre de Études sur Subtexte l'an dernier. On va continuer avec une musicienne que je ne connaissais pas du tout avant qu'elle sorte un album aux éditions de Chicago Thrill Jockey. Il s'agit de Marielle V. Jacobson, et pourtant elle est assez active depuis pas mal d'années. C'est une artiste multimédia originaire de Californie, à Oakland très exactement, donc multi-instrumentiste, principalement clavier, cordes, je crois qu'elle a démarré par le violon, également voix. Elle pratique les installations sonores, différentes shows visuels et sonores depuis pas mal d'années, et sous son nom elle produit aussi des disques. Alors apparemment là il s'agit de son deuxième disque sous son nom à ce jour. Le premier était sorti aux éditions Students of Decay en 2012, je crois, donc très très très très jeune musicienne. Ça s'intitulait d'ailleurs Glass Canyon, le précédent, et c'est un disque plutôt réussi dans une ambiance assez cotonneuse. L'album s'intitule Starcore, et on va écouter le titre d'ailleurs éponyme de ce disque de Marielle Jacobson, Marielle V. Jacobson, donc Starcore. Thank you. on fait moins les malins en fin d'émission L'Asile le plus sûr avec cette séquence un tantinet plus sombre, sorte de musique minimale à partir de cordes qui a démarré avec la musique de l'américaine plasticienne sonore, mix média artiste Marielle V. Jacobson et son disque Starcore qui a un petit côté de New Age aussi sur les bords, mais l'album est plutôt bien ficelé et assez réussi. C'est sorti au mois d'août aux éditions Thrill Jockey et on a enchaîné avec l'album de Jason Sharp, A Boat Upon It's Blood, une nouvelle parution du label de Montréal Constellation Records. Et Jason Sharp, qui est un musicien saxophoniste, qui a fait partie notamment de pas mal de projets du côté de Montréal. Il a joué notamment aux côtés de The Silver Empty Zion en 2010. Et on le retrouve aussi sur les disques de la saxophoniste Matana Roberts, qui a sorti aussi différents disques sous le titre Coin Coin aux éditions Constellation. Donc un disque aux confins du jazz, de l'improvisation et de la musique contemporaine, un tantinet plus proche d'ailleurs des musiques un peu dronesques et de recherche sonore. On le retrouve sur le disque aux côtés notamment du joueur de pedal steel guitar Joey Grass et du violoniste Joshua Zubot, un disque vraiment assez fantastique de bout en bout. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec une nouveauté de jazz et trois jeunes musiciens qui étaient assez inconnus, pas du tout repérés par les radars de l'Asile le plus sûr. Il s'agit des musiciens Luis Rocha, Diego Caicedo et Marco Gelaccia, un orchestre clarinette, sax, guitare, batterie qui réunit un musicien espagnol, un musicien originaire de Colombie et un serbe. Rien que ça, le projet s'intitule RCJ. Ils viennent de sortir un disque au net label Disc Cordian Records, le label de Barcelone. Ça s'intitule Adeptus Exemplus et c'est vraiment très très bon. Je propose d'écouter le titre qui démarre ce projet RCJ et ce premier disque, donc Adeptus Exemplus. Thank you. Adeptus, Exemptus, excellent projet qui réunit Luis Rocha à la clarinette, Diego Caicedo, guitare électrique et objet amplifié, et Marco Velaccia à la batterie. Une production du label, du net label barcelonais Discordion Records. Le projet s'intitule RCJ, suivant les initiales de ses trois membres fondateurs. L'émission touche quasiment à sa fin. Le temps de vous rappeler que ce programme est entièrement réécoutable avec ses playlists à partir du blog asile35.blogspot.fr. Petit rappel, deux concerts de circonstances, mais je pense que vous êtes déjà au courant pour ceux qui habitent Rennes et qui écoutent régulièrement l'antenne du 94 MHz. Soirée dans le cadre du festival Le Marché Noir à Rennes, ce jeudi aux Ateliers du Vent, avec quatre projets, plus exactement trois projets et un DJ, Aymat. La réunion entre Olivier Decheveux et Armel de The Dreams, les Guidi Guidi Goulag sont de la partie aussi, ainsi que Poutre Apparente, contrebasse, synthé, tom bass et maracas. Tout ça aux Ateliers du Vent ce jeudi 22 septembre. Autre annonce concert, puisque ce sera lundi soir d'Asile, ce sera au Terminus, une soirée qui réunira Father Murphy, les Italiens, en compagnie de Muscle and Marrow de Portland. Et il y aura aussi le guitariste de l'Americana, Tom Carter, qui sera de la partie pour cette soirée, donc au Terminus, rue de Riaval, derrière la gare, à Rennes. Voilà, on se quitte avec un dernier titre et un extrait du prochain album de Madame Delphine Dora. Il s'intitule Le fruit de mes songes. Il va sortir sur un label de Riga en Lituanie qui s'appelle Bezirg Tapes, qui a apparemment été fondé d'ailleurs par des Français. Et bah, Madame Delphine Dora. On la connaît notamment pour des collaborations aux côtés de Sophie Cooper et autres Héloïse Descases, et aussi pour des excellents disques en solo, notamment celui qui nous avait tapé dans l'oreille l'an dernier, Près du cœur sauvage. Donc ça fera une excellente conclusion à l'asile de cette semaine. On écoute le titre Dans la brume chuchotante. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Comme ça. Thank you. Yeah.